Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. C'est avec un grand privilège aujourd'hui que j'accueille aux grandes entrevues probablement un des personnages qui est probablement un pilier du football au Québec, Jacques Dussault. Lorsque des années 80-90, lorsque la Radio-Canada avait décidé de quitter les droits ou d'abandonner les droits de la NFL, ben, il y avait une personne qu'on appelait lorsqu'il se passait quelque chose, c'est Jacques Dussault. Et Jacques est impliqué au football au Québec dans tous les domaines, de la machine de Montréal en passant par les Alouettes, les Concordes, niveau collégial, également entraîneur avec niveau universitaire. Bon après-midi, Jacques Dussault. Merci, toi aussi. Jacques, évidemment, c'est un grand, grand privilège pour moi. Parce que je sais ce que tu as fait pour le football au Québec. Aujourd'hui, il y a tellement de podcasts au Québec, de la NFL, il y en a 5-6, il y a des émissions de la NFL, les matchs sont transmis, c'est très populaire. Mais dans le temps, les années 80-90, la NFL n'était pas ça au Québec. Là. Il y avait seulement qu'un analyste, c'était Jacques Dussault. Oui, mais il faut dire que moi, j'ai eu la chance de travailler dans le début des années 80 avec Radio-Canada, ouais. Où le dimanche après-midi, il y avait un match NFL, il y avait M. Letourneau et Lebrun. Oui. Ici, et moi, j'analysais le match à la mi-temps. Et puis là, ben, par la suite, c'est sûr, je me suis retrouvé à RDS pendant plusieurs années, mais c'est évident que l'engouement pour le football n'est pas le même qu'il est aujourd'hui. À cette époque-là, si des gens nous avaient dit qu'on allait avoir des Auclair, du Vernet Tardif dans la NFL, il y aurait eu beaucoup de scepticisme. Écoute, Pierre Vercheval, j'écoutais avant la LCF, la Ligue canadienne, des Alouettes, cet été, puis Vercheval, il disait, dans mon temps, il y avait deux joueurs de la Ligue canadienne sur l'unité défensive de retour de botté d'envoi, puis aujourd'hui, il y en a à peu près, excusez-moi, tous des francophones. Donc, on voit un peu l'évolution du football au Québec. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'avenue du Rouge et Or de l'Université Laval a créé un engouement dans l'Est. Ouais. Du Québec, et puis parce que c'est pratiquement une équipe professionnelle, là, quand on regarde les structures de cette équipe-là, du côté plus de l'Ouest, bien, ça a toujours été présent, là, surtout avec la présence, une grosse présence d'anglophones. Mais là, si on regarde les résultats année après année, la plupart du temps, cette année, pas une exception, champion de l'Exil qui a gagné le vol d'or. Mais il y a beaucoup de francophones qui jouent avec cette équipe-là. Et c'est des équipes francophones qui gagnent année après année. Quand il y a des championnats canadiens, je me souviens, nous, on avait été joués en Colombie-Britannique, le premier championnat canadien. On avait gagné ce tournoi-là. Donc, oui. Il y a de plus en plus de francophones, comme le mentionnait Pierre, okay. Dans la Ligue canadienne de football. Où est-ce que c'est devenu votre goût pour le football? Tu sais, dans le temps, tu voulais être un joueur de hockey. Le football, ça vient de où, ce goût-là? Ben, moi, c'est ça peut paraître un peu bizarre, mais on avait deux, à cette époque, moi je viens de Québec, ouais. À cette époque-là, on était déménagé en banlieue à Sainte-Foy, je pense qu'il y avait à peu près 4000 personnes okay. À Sainte-Foy, c'est pour que les choses ont changé. Il y avait deux stations de télévision, une Radio-Canada en français, puis il y avait CKNI en anglais. Puis moi, je devais avoir 8 ans peut-être. Okay. Puis je suis tombé sur un match de football entre l'Université McGill puis l'Université de Toronto à la télévision. Okay. Je connaissais pas les règlements, trop. Je me suis assis, j'ai l'anglais, je le comprenais pas tellement non plus. Je me suis assis, puis je me suis dit, moi, un jour, je vais jouer pour cette équipe-là, McGill. Puis qui l'eût cru, c'est arrivé. Merci. Et par la suite, on a été chanceux à Sainte-Foy parce que on avait une base, mais pas une base. Oui, pratiquement beaucoup de militaires qui étaient installés là. Ils ont amené le football. Là. Chaque paroisse avait une équipe. J'ai commencé à jouer, j'avais peut-être pas 9 ans, 10 ans. OK. Vous étiez-tu bon comme joueur de football? J'étais bon. Ouais. Putain. Aïe, aïe, ça, je ne m'attendais pas à cette question-là. Ben, je veux dire, disons que je passais plus de temps sur le terrain que sur le banc. OK. Quelle position vous évoluez à l'époque? Quand j'ai commencé à Québec, je jouais à porteur de ballon. OK. Ben, j'ai eu un accident. Je me suis déchiré le tendon d'Achille. Et puis, quand je suis arrivé au cégep de Trois-Rivières, là, je trouvais ça, disons, plus dans ma personnalité, dans mon goût d'aller jouer à défensif, fait que j'ai joué secondeur de ligne. Puis okay. Là, ben, ça a resté comme ça. Le goût du coaching, ça part de où? De l'enseignement du football? Parce que moi, le football m'a sorti d'un chemin qui s'en allait à peu près nulle part. Là. Okay. Au niveau études, au niveau... dans bien des niveaux. Et puis... quand je suis allé à Trois-Rivières, l'entraîneur-chef, c'était M. Frank Gauthier. Puis c'est quelqu'un qui a eu une forte influence sur moi. Quand je suis allé jouer à McGill, je revenais donner un coup de main aux Diablos, à d'autres endroits. Puis là, ben, quand j'ai fait mon cours en éducation avec... à l'époque, on appelait ça un minor en éducation physique. Ben, je me suis toujours considéré comme un enseignant avant d'être un coach. Okay. Que ça, c'est de là que c'est parti parce que j'ai coaché aussi le volleyball. Et puis, le moment où je me suis dit, ben là, moi, je veux aller pas le plus loin, mais connaître ça le plus, c'est quand j'ai décidé de m'en aller aux États-Unis. Pour aller coacher là-bas. Là, c'est Buffalo, là, hein? C'est-tu Buffalo? C'était à Albany, New York. Albany, OK. Donc, comme des Great Days d'Albany, comme entraîneur à défensif de 79 à 80, c'est ça? C'est ça. Okay. Les Great Danes, voilà. Et Joe Gallet, vous répatriez comme entraîneur de la défensive en 82 avec les Alouettes. Ouais, ben, je veux dire... Ça, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Miami, Ohio, et okay. Joe Gallet venait de Miami, Ohio. Je l'ai rencontré au camp d'entraînement des Alouettes à l'époque de Joe Scanella. Ouais. Puis là, quand j'ai su que je venais de là, ben, on avait eu des professeurs communs, des affaires à main. Et pour les Américains, l'appartenance, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire, c'est très, très important pour eux autres. Parce qu'il est comme, il s'est créé... un lien, que quand je suis revenu, quand il m'a demandé de si ça m'intéressait, ben j'ai dit oui. Mais là, il fallait que je passe par George Allen, ça c'était un petit peu moins drôle. Mm. Et ce que j'ai coaché, c'est la ligne défensive et les unités spéciales. OK. Puis par la suite, ben c'était pas facile ces années-là avec les Alouettes puis les Concorde. Là. C'était vraiment les mauvaises années, là. Parce qu'on parle des années, c'était jusqu'en 86, vous avez arrêté. C'est en 86, je pense que les Alouettes ont, Les Alouettes ont fermé la porte sur Norm Kimball. C'était vraiment pénible. Ça ressemblait pas mal aux années de ce qu'on a vécu sous Killery avec les Alouettes dans le temps. Oui, mais je veux dire, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une saison où on était en train de tourner ça tout en positif. On avait Turner Gill comme corps arrière qui, lui, venait du Nebraska, une vedette. Ouais. Puis on avait des commotions cérébrales, par exemple. Hein? Il y avait beaucoup de commotions cérébrales. Il s'est fait blesser contre Hamilton. Puis là, à ce moment-là, ça a fait que les choses sont tombées. Là. On n'avait pas de remplaçant de qualité. Parce que je me souviens, on a joué un match. On a joué au Stade olympique, il y avait 37 ou 38 000 personnes. Ouais. C'était pas si mauvais avec ça, mais vous avez raison, là, c'était pas le Pérou, comme on dit. Moi, j'ai toujours dit, que sur les années de Killery avec les Alouettes, ce qui sauvait les Alouettes, c'est qu'il y avait une tradition de football. Aujourd'hui, on a une tradition de football avec le rouge et or, le vert et or. Les carabins. Il n'y avait pas dans le temps non plus. Aujourd'hui, dans le temps, il n'y avait pas ça. Puis la NFL poussait beaucoup. Dans ce temps-là, il y avait une mauvaise publicité pour la SCF parce qu'on pensait que la NFL allait s'en venir à Montréal. Et par la suite. Oui, mais ça, ça a été véhiculé de façon un petit peu croche parce que. Il n'y a jamais des questions que la NFL vienne à Montréal. Un peu comme les Nordiques à Québec, je pense. C'est pas mal Je ne sais pas, là, ça c'est un autre sujet. Là. On pourrait en parler longtemps. Okay. Je pense que là, la porte peut-être peut s'ouvrir pour les Nordiques, parce qu'on est rendu dans la Ligue nationale de hockey à revouloir replacer des équipes. Et là, on a tout ce qu'il faut à Québec. Ça serait vraiment exceptionnel. Après votre départ avec les Alouettes, là, on vous a connu sur la machine de Montréal, mais avant la machine, il y a eu les Spartiates, il y a eu Acadia, il y a eu Paris, les Anges Bleus de Paris. Ça, c'est pour développer le football, je me rappelle, du football canadien. En France. Oui, c'est du football américain en France. C'est parce qu'on a eu notre camp d'entraînement. Des Alouettes à Halifax. Puis là, j'ai rencontré les coachs de la place, dont Sonny Wolf, que je connaissais. On avait étudié ensemble à McGill. Puis quand c'est tombé, il m'a appelé, m'a demandé si ça m'intéressait d'aller coacher avec lui à Acadia. J'ai été 2 ans. Après ça, je suis allé à Mount Allison 2 ans. Puis après ça, ben là, c'est venu le raz-de-marée de la machine. Et entre ça, il y a eu, comme vous l'avez mentionné, un voyage à Paris pour aller coacher les Anges Bleus. C'est drôle parce que j'ai encore des communications avec au moins 7-8 joueurs de l'époque. Et puis, comment c'était le football français à votre époque? Il y a eu de l'évolution au cours des derniers, mais ça devait pas être facile. Ça devait vraiment être au premier balbutiement du football français. Oui, mais ce qui arrive, c'est que tu es tout seul pour coacher. Ben, Carré, t'es tout seul, puis t'as 35 joueurs. Ça veut dire qu'il faut que tu t'occupes de la défense, faut que tu t'occupes de l'attaque, des unités spéciales. C'est un autre. Puis toi, tu sors d'un milieu où tout de même, universitaire, professionnel, c'est organisé. Là, t'en as des entraîneurs. Mais l'équipe que j'avais, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il y avait vraiment. Vraiment, ce qu'on appelle ici, il y avait des toughs là-dedans. Là. C'était pas le béret puis la baguette. Là. Il y avait des gars qui étaient durs physiquement, des gars qui avaient pas peur d'aller au contact. Et puis, les connaissances étaient ce qu'elles étaient aussi. Hein. C'est comme vous l'avez bien mentionné, c'était les premiers pas au niveau du football américain. OK. Ouais. Là, par la suite, arrive la machine de Montréal. Ça, c'est un projet de Ligue mondiale de football. Un projet que moi, j'ai... Tu sais, on parle de Ligue de printemps, là. Tu sais, là, on voit la USFL revenir. On voit la XFL. Ouais. On voit... Moi, là, je vais vous dire une affaire. C'est de valeur que cette Ligue-là n'a pas fonctionné parce que c'était... Quand on parle de football de printemps, moi, je trouve que c'est le plus beau modèle qu'il ne peut pas y avoir. La NFL dans le décor... un espèce de club ferme dans des villes où la NFL a très peu de chance. Moi, je trouvais ça vraiment génial, puis je trouve ça plate que ça n'a pas marché, parce que quand on parle de football de printemps, comme ça, là, cette ligue-là, c'est ça que j'aurais aimé avoir. Je pense qu'il y a eu des possibilités. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est l'époque où les joueurs ont réussi à avoir leur statut de joueur autonome. Ouais. Puis ça a pas fait l'affaire de plusieurs propriétaires, puis on dit bon, ben c'est ça que vous voulez faire, fait que, là, ça va vous coûter 1200 à peu près 1200 postes, fait qu'ils ont coupé définitivement la Ligue mondiale, mais elle s'est poursuivie en Europe ouais. Oui, pour une raison, parce que tant qu'avoir un corps arrière qui durant la saison ton troisième corps arrière dans la NFL, il lance jamais le ballon, là, sauf peut-être à l'occasion sur l'équipe qui mime, si je peux prendre cette expression-là, l'adversaire qui s'en vient. Donc, c'est pas comme ça que tu t'améliores, faut que tu joues. Fait qu'ils ont fait ça, puis il y a eu des gars, des amis Kurt Warner, qui n'a pas eu une mauvaise carrière, qui était dans cette ligue-là, puis... je me souviens, Miller aussi. David Archer, qu'on a vu dans les Canadiennes. Il y en a eu Cook, qu'on a vu également dans les Canadiennes par après. Chez les Alouettes, il y avait Chris Moore, votre batteur, qui a fait longtemps après ça avec les Bills de Buffalo. Là. Une belle carrière. Oui, Chris. Avec les matchs. Oui, Tracy Semien. Il y en a eu quelques-uns qui ont eu des belles carrières. Chris Moore, là, je peux dire, c'est tout un batteur. C'était tout un batteur. Vous, avec les Alouettes, avec la machine, c'était pas facile, hein? Je veux dire, est-ce que vous aviez eu de la misère? Est-ce que le fait que vous étiez Québécois, vous avez eu l'impression maintenant que vous n'étiez pas respecté? Puisque les joueurs de football, c'est un gros égo. Le football américain, ça pense que c'est tout inventé aux États-Unis. Ah oh ouais, avec la machine, vous parlez? Ouais, ou quand je suis arrivé au niveau universitaire à Albany? Non, je vous parle de la machine. Quand je suis arrivé à Albany, avec la machine? Ouais. Ouais, ben le c'est un peu normal d'une certaine façon. Je pense que n'importe qui se présente comme entraîneur, la première chose qui va arriver, c'est que les joueurs vont, la bonne expression québécoise, vont l'essayer. C'est certain que les autres n'étaient pas habitués de voir quelque chose. Moi, je suis pas... comment je peux dire ça? L'anglais, je l'ai appris à 20-21 ans. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est élevé dans deux langues, puis j'ai un accent, puis des fois ça sortait un petit peu, tu croches, avec ça, c'est certain que ça les intriguait, mais il y a des bonnes personnes, il y a des moins bonnes personnes, puis il y en a qui n'ont rien à faire avec eux autres, ils ne changeront jamais. Donc, en gros, ça n'a pas été un problème. Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais pas vraiment de connexion aux États-Unis. Okay. Fait que les autres entraîneurs, ils connaissaient tout le monde. Ben oui. Puis là, la Ligue est partie avec des règlements qui n'ont pas été suivis. C'est-à-dire, en partant, ils voulaient que ce soit l'Europe qui gagne, le World Bowl, c'est ce qui est arrivé. Là, les cotes d'écoute ont tombé aux États-Unis. Fait qu'ils se sont dit, il faut que ce soit une équipe des États-Unis qui gagne. Le World Bowl qui a eu lieu à Montréal, c'était entre Sacramento et Orlando. Je me souviens d'une réunion où j'ai levé la main, j'ai dit ça va être quand notre tour Montréal, parce qu'on se faisait envoyer des joueurs qu'on ne voulait pas, mais on était obligé de les garder. Puis il y avait certains de ces joueurs-là, ben on va dire, tel que c'était des bombes. Ils ne nous envoyaient pas la crème, des fois. Jacques, si vraiment on va faire une pause, je vais te parler de dans le domaine des médias maintenant et avec les Carabins de Montréal. Je vais te dire, écoute, la grande entrevue avec notre ami Jacques Dussault, qui est un des pionniers du football au Québec. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les invite à la grande prudence pendant l'année qui débute. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-1316. Je l'ai mentionné en début d'entrevue, c'était lorsque dans les années 80 et 90, lorsque la NFL était à Radio-Canada et que Radio-Canada a décidé d'abandonner les droits, les gens au Québec se tournaient vers Jacques Dussault pour s'il se passait des nouvelles importantes dans la NFL. Il y en avait un au Québec quasiment, avec Serge Amiot, probablement, qui commentait les matchs. Et aujourd'hui, tu as 5, 6, 7 podcasts, puis tu as des émissions de la NFL. C'est plus du tout la même affaire. Mais je pense que si on a des Mathieu Proulx, si on a des Pierre Archeval, si on a des gens comme ça, c'est Jacques Dussault qui est probablement celui qui a vulgarisé la NFL au Québec. Jacques, parle-moi de ton passage dans les médias. Tu étais longtemps à RDS, tu décrivais les matchs. Tu as 4 saisons, tu as fait plusieurs Super Bowls également. C'était vraiment agréable, là. Ouais, pour ce qui est des Super Bowl, ça a commencé avec, à l'époque, c'était 4 saisons, là, ouais. le poste. J'ai reçu un appel téléphonique pour me demander si j'étais intéressé par le Super Bowl. C'était à San Diego, j'ai dit. Je me souviens, la personne me demande, il dit, ça va nous coûter. C'était pas combien? À Pasadena avec les Giants de New York contre les. Non, le premier, c'est à San Diego. OK. L'autre, il y en a eu un à San Diego. C'était les Redskins contre les Broncos. Je pense que Chicago était impliqué dans un de ces matchs-là. Ouais. Il y en avait un à Tampa Bay, un en Nouvelle-Orléans, puis l'autre à Miami. Ouais. J'en ai fait 5. Ouais. Mais le gars me demande, ça va nous coûter combien? Je dis, vous me donnerez ce que vous voulez. Là. Ouais. C'est ouais. comme un rêve de faire demander ça. Ça, c'était une très, très belle expérience parce que j'ai rencontré des gens que je connaissais aussi qui coachaient dans la NFL puis tout ça. Donc, ça, oh oui, ça, c'était très, très intéressant. Comme, okay. Et par la suite, RDS a obtenu les droits et là, tu étais quoi, 10 ans, là, genre? Ouf, la première fois, ouais, j'ai été assez longtemps. Je ne pourrais pas, donner d'années exactes parce que là, moi, j'ai quitté pour l'aventure des carabins. Ouais. Puis après ça, je suis retourné à RDS, mais pas pour longtemps, quoi. Je suis retourné en France aussi, en 96 à Cannes, là. Mais disons que l'aventure des carabins, c'était un peu à l'image de la machine, d'une certaine façon. Ça a eu son âme. Mais c'était pas facile de monter un programme de football aussi. Puis le Rouge et Or, c'était quoi? C'était en 2003, les carabins qui sont arrivés à peu près? 2002-2003. Mais les carabins étaient déjà implantés. Il y avait déjà une coupe de Coupe Vanier, là, déjà. Là, tu rentres une autre équipe au Québec. C'est pas facile de rentrer ça. Oui, mais là, faut pas oublier qu'à l'époque où nous, on est arrivés, cette année-là, le Rougeur a terminé en troisième position. Okay. Les grosses équipes, c'était McGill et puis Concordia. Fait qu'en partant, on jouait deux fois contre Québec, deux fois contre Concordia, deux fois contre McGill. Puis en plus de ça, pour nous aider, ils nous ont donné un voyage des Maritimes. Ouais. Fait que on aurait dit qu'ils ont tout fait là, pour essayer de nous décourager. Puis l'autre chose qu'il y a aussi, c'est que c'était la guerre du recrutement. Parce que quand on jouait contre le Rouge et Or, puis contre McGill ou même contre Concordia, on voyait pas souvent leurs substituts. battu sur le terrain, même si c'était 40-0 pour eux autres. Là. Mm. Je veux dire, non, ils voulaient. S'ils avaient été capables d'en mettre 100, ils en auraient mis 100. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Sherbrooke l'année d'après. Je pense que Rougeard a marqué pas loin de 100 points. C'est un peu dommage. Cette année, c'était moins pire. Par contre, on a vu le Rougeard avoir de l'opposition. C'est pas les Carabins. Puis, tu sais, mais ça, à un moment donné, quand c'est une Coupe d'Ultimore, c'est toujours les Carabins contre le Rougeard. Ça vient un petit peu plat. Jacques, qu'est-ce qui t'a amené le plus de. Ton meilleur souvenir, qu'est-ce que le football t'a plus apporté dans ta vie? Un grand souvenir? Qu'est-ce que le football t'a plus apporté dans la vie? Le plus apporté? Il m'a apporté beaucoup d'émotions. Ah oui, OK. Mais la chose qui m'a marqué encore aujourd'hui, c'est l'interaction avec les joueurs. Okay. Parce que moi, je pense... Et puis ça, il faudrait que la personne qui veuille me convaincre autrement, là, ça ne marchera pas. Si tu veux être un bon coach, il faut que tu aimes tes joueurs. Peu importe leur qualité sur le terrain, leur personnalité, il faut. Et sinon, surtout au niveau universitaire, au niveau cégep, ou au niveau scolaire, parce que les 4 dernières années où je suis allé à l'Académie des Autocades, au Cap de la Madeleine, je coachais des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je ne tournais pas comment on va arriver. Là. Mm. Ils ont dit, c'est qui, c'était mon oncle-là? Ils ne savaient pas c'était qui Jacques Dussault. Non, mais il va arriver une tête blanche. Là. Ouais. Non, mais j'ai vu, c'était des belles années. Puis ça n'y est pas quand tu gagnes aussi. Oui, effectivement. Et si t'as-tu un regret? T'as-tu quelque chose? Un regret que peut-être que tu aimerais... Tu regrettes, que ce soit fait, tu referais différemment? Ben, je pense que la personne aujourd'hui qui s'assit avec le temps, c'est le meilleur ami pour prendre des décisions. Si on avait eu le temps d'y penser pendant 5 ans, on n'aurait peut-être pas pris ces décisions-là. Ouais. Il faut que tu te remettes en question un petit peu, mais là. Okay. Pas plus que ça. Moi, ma plus grosse déception, c'est que j'ai eu des opportunités pour aller dans la NFL. Oui, à quelques occasions, même, j'avais, quand j'étudiais à Miami, Ohio, là, j'en ai rencontré des gens. Quand j'étais avec la machine de Montréal, on pataugeait, là, j'ai fait 7-8 camps de la NFL. Mais je suis pas le genre de gars qui va aller parler à quelqu'un juste parce que ça peut m'apporter en bout de ligne quelque chose. J'ai jamais été de même, je suis pas capable non plus. Ouais. Je ferais pas coller à quelqu'un que je le trouve intéressant, si je trouve ça plate, parce qu'il peut à un moment donné me... Il faut que ce soit vrai, il faut que la relation soit vraie, c'est ça qui est... Oui, c'est ça. Okay. Fait que je le regrette pas, mais j'aurais... Puis après les 2 années que j'ai passées avec la machine, Jerry Venisi, qui était le vice-président, j'avais une bonne relation avec lui. J'aurais pu prendre le téléphone et dire, regarde là, trouve-moi une place dans la NFL, même en partant, tu ne t'attends pas que tu vas... C'était pas avec les Bills de Buffalo que tu avais... Ça passe de proche. Oui, avec Marv Levy, je pense. Hein? C'est-tu dans le temps de Marv Levy? Non, c'était pas Marv Levy, c'était Hank Bullock qui était là. OK. Fait que... Mais moi, tout ce que je voulais, c'est mettre les pieds là. Tu sais, s'il m'avait dit, tu peux aller à, je sais pas, moi, Kansas City, puis tu vas être comme un genre de coach volontaire, parce que j'ai compris depuis longtemps. Bob Ford le dit, il dit c'est bien rare que quand tu vas à l'université, ils te payent pour que tu viennes étudier chez eux. Parce que quand j'ai coaché avec les Alouettes, ça fait à peu près 6-7 mois avant que j'aille un chèque de paye. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de zéros. Ouais. Alors, c'est sûr que t'as pas fait. Quand j'ai lu ta biographie, je me rappelle que t'en as mangé. Il fallait vraiment être passionné pour faire de là parce que des fois, t'as manqué d'argent. Puis tu t'es fait avoir un peu aussi, je pense, dans certaines circonstances. Hein? Ben, je veux dire, moi, J'ai jamais vu ça de même, parce que sans ça, là, si tu commences à regarder ça de cette façon-là, tu vas arrêter d'avancer. Mm. Moi, j'avais une phobie. J'étais le premier francophone qui était là. Puis je me suis dit, s'il y en a un deuxième qui veut ou un troisième qui veut venir, ils diront pas, on a déjà eu un, puis ça vaut pas de l'air. Mm. Fait que moi, je faisais ce qu'on me demandait. Puis, ça n'a pas été si pire que ça, en bout de ligne. Oui, sinon, ça n'a pas été si pire. Est-ce que le football, parce que là, aujourd'hui, tu es à la retraite, est-ce que le football te manque? Tu sais, est-ce que tu regardes encore les matchs de la NFL autant qu'avant, la Ligue canadienne? Je regarde les matchs, de toute façon, mais mes deux garçons coachent. Ouais, OK. Qui est entraîneur-chef avec les Diablos à Trois-Rivières, l'autre est coach avec les Diablos, lui aussi, il est entraîneur-chef... aux Estacades avec le programme qu'il y avait. Okay. On parle de football souvent. Oui, je regarde les matchs. C'est certain que il y a des choses, tu sais, ça ne joue plus comme ça jouait. Tu n'as plus le droit de frapper personne. Mm. D'une certaine façon, c'est correct. Là. Je suis capable de vivre avec ça. La chose qui vient chercher un peu plus, c'est que on dirait qu'il n'y a pas personne qui est responsable de... des erreurs. T'sais, on dirait qu'il n'y a personne qui va admettre qu'il a commis des erreurs. Et tu vois, tu prends un exercice à un moment donné, regarde un match, puis regarde un receveur qui est tout seul dans la zone début, qui échappe le ballon. Mm. Puis après ça, regarde-les quand il va arriver sur les bancs, sur le banc, puis dis-moi si ça a l'air d'un gars qui a échappé une passe, ou non, c'est un gars qui a marqué un coucher. Ouais. Tout le monde le félicite, je comprends pas ça. Mm. Tu cries pas après les joueurs, ça, je suis d'accord. C'est quelque chose qui fatigue vraiment, tu le fais en privé, mais là, il a échappé le ballon. Faut-tu bien que tu le dises, là? Ouais. Là, faudrait peut-être que tu l'attrapes, le ballon. Ouais. Non, les gars. Ouais. Mais ça, c'est pas moi qui vais changer ça, là. Ouais. Jacques, merci beaucoup. Pas mal intéressant, encore une fois. C'est pas mal le fun de t'avoir parlé. Moi, je te l'ai dit, je trouve ça... c'est un pionnier. Moi, je sais ce que tu as fait au football pour le Québec. Si aujourd'hui, on a autant de Pierre Vercheval, Mathieu Proulx et ainsi de suite, ben, c'est pas mal toi qui as pris le bâton du pèlerin en décrivant des matchs, en vulgarisant le football et ainsi de suite. Ben, je te souhaite de joyeuses fêtes avec tes gars. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir participé à cette grande entrevue. Ben, c'est moi qui te remercie. Parce que c'est toujours plaisant de parler de football avec vous. OK. Voilà, donc notre Jacques, un des grands pionniers du football au Québec, Jacques Dussault.